D'après le journal internet sud-coréen Tongil News, 53 formations civiles et sociales sud-coréennes ont organisé le 28 juin devant le siège gouvernemental à Séoul une conférence de presse pour exiger l'éclaircissement des dessous du massacre des civils par l'armée sud-coréenne lors de la dernière guerre de Vietnam.